monsieur, vous ne supportez pas d'être éloigné de l'être aimé pendant plus de 10 minutes? L'idée que votre compagne puisse être séduite par un autre vous est insupportable? Monsieur, ne souffrez plus, utilisez la cave en plus. Nos kits de cave en plus s'installent très facilement dans n'importe quelle pièce de votre maison et sont équipés de portes blindées pour votre sécurité. En séquestrant votre compagne dans une de nos caves en plus, vous la gardez près de vous, en permanence, et pouvez en profiter 24 heures sur 24. Fini les angoisses de la dépendance affective avec la cave en plus. Ça va pas la tête ?